à vous toutes. Voici donc, il est 13h passé de 30 minutes. Bienvenue à vous tous. Si vous prenez l'écoute, nous sommes ensemble pendant quelques heures pour l'émission Souvenirs toute l'après-midi. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Et puis donc, pour vous tout le monde, eh bien, la semaine est presque terminée. Et oui, déjà, le week-end s'approche pour vous tous. Voilà donc, et eh bien, sans plus tarder, on va débuter l'émission tout simplement avec Anne Ben, le titre « Ton nom ». Et puis juste après elle, on écoutera Bob Marley. Bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Rappelle-moi tous les mots que je disais, que le ciel m'emporte. was taken from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting the survivor. Said he was a buffalo soldier, trained like a rasta. We'll be right back. Je rêve que l'on s'échappe. Immense, dans cette ville immense, je m'efface en silence, seul parmi la foule. Oh, dans cette ville immense, je vis à contre-sens. Écoute-toi les absences, je ne tiens pas, je coule. Oh, immense, dans cette ville immense, je m'efface en silence. Et un beau père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentil, si belle, les yeux qu'on s'en prunelle. Ils ne pouvaient pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue toute fusionnelle. Sauf qu'elle a déménagé, fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa maman vu lutter. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle n'a mis pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie. Car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle essuie les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient pour tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Depuis quelques temps, une nouvelle forme de violence se développe. Sur les réseaux sociaux, prennent différentes formes. Elles peuvent prendre la forme de châtiment corporel. Elles peuvent aussi prendre une forme plus insidieuse, qui est tout ce qui est à la violence psychologique. À 12 ans maintenant, adolescente enfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant. C'est une petite fille moussa qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée. Tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se c'était le titre Le Soleil. Je voulais pas monter une team, mais un commando. Au lieu de tirer sur l'ennemi, ils ont parlé ce monde. J'ai dû aller tout seul comme si j'étais Rambo. Mes banlieues arrêtières, j'ai dû faire le Nambo. Moi j'aurais fait des thunes même si c'était du Mambo. J'avais le ventre vide et des idées dans le cerveau. Je traîne avec mon banjo. Une terre à t'école, loin des vins de Bordeaux. Et puis j'ai fini solo, sans personne à mes côtés, à part quelques vrais soldats. Maintenant j'ai tous les boycottés, à part quelques vrais soldats. Laissez-moi profiter du soleil. Je suis parmi vous, je perds le sommeil. Vous parlez trop dans mes oreilles. Je l'oublie, ça fait les problèmes. Laissez-moi profiter du soleil. Je suis parmi vous, je perds le sommeil. Vous parlez trop. Costa del Sol en direct de l'Autopia. On se voit dans quelques jours, peut-être au Nigeria. 93 ça trahit pas, si la musique ça paye pas. Les retours au Pays-Bas, ton PIB dans le Coïba. J'aime le climat de Ketama, les couilles à l'air sous des lavages. J'allume un joint dès le Tama, je suis comme Pelé au Maracana. Laissez-moi profiter du soleil. J'suis parmi vous, je parle le sommeil. Vous parlez trop dans mes oreilles. Leur corps, oui, leur corps se dénude pour la maille. J'ai tourné le dos à ces man. Leur parole m'ont fait assez mal. J'ai tourné le dos à ces dames. Leur corps, oui, leur corps se dénude pour la maille. Laissez-moi profiter du soleil. Je suis parmi vous, je perds le sommeil. Vous parlez trop dans mes oreilles. Je l'oublie, ça fait les problèmes. Laissez-moi profiter du soleil. We'll be right back. Arc-en-Ciel, un amour de FM. Voici donc Voyage, Voyage avec Des Edresses. Voici donc Africa, Rose Laurence. Son cri gris m'a suivi, on son des tam-tam, parfum de magie. Voilà, voilà, je vous laisse avec deux titres portugais, puis on se retrouve juste après. Porque tu és amor, a paixão. s'appelle Sébastien Dorel avec Au cœur en or. Dans nos cœurs en or, où l'on chante encore les corons, tous les gens du Nord connaissent très bien la chanson. Cœur en or, qui bat si fort pour sa région, comme au Nord, on allait tous au charbon. Arc-en-ciel. Un amour de la femme. Et puis donc, un bonjour tout simplement à Nat Alia et son titre Hit Me Live. Je prends la vie à bras le corps. Garde l'envie jusqu'à la mort. Je ne veux pas baisser les bras. Certitude n'est pas pour moi. Moi je veux une vie rock'n'roll. Non pas question de jouer un rôle. Que porte l'endroit ou le lieu. Moi c'est ça la vie que je veux. Seul sur le quai de la gare, garder mes rêves en liberté et me jeter dans la bagarre. J'ai envie de vous voir heureux, voir l'étincelle dans vos yeux. Vous sans vous me garder le tempo et bouger au son du saxo. Du saxo. Car la musique est mon moteur. C'est elle qui me fait penser pour que je pourrais chanter. Je me battrai. C'est ma vie, c'est mon rêve. Pour toujours, entre vous et moi, c'est une histoire d'amour. It's my Voici donc, elle s'appelle le fond égal, dérange tout simplement, débranche aussi. Michael avec son tout nouveau tube. Ça fait ton premier titre aussi. Il s'appelle Love. Elle est née simplement comme un rêve, un roman. Ma musique à moi, c'est un hymne de l'âme à la tendresse des femmes. Ma musique à moi, j'ai volé son tempo à la fleur de ta peau, au frisson qui court dans les clous, dans les champs, et qui sème en passant des chansons d'amour. C'est quelques notes, c'est quelques mots que mes joues sourient ou sanglotent, m'entraînent là-haut. Love, love, au pays d'amour qui ressemble au ciel d'Italie. Love, love, où l'air est plus pur, où l'harmonie est dans la nature, où tout est joli. Love, love, viens je t'emmène, si tu veux bien me suivre aujourd'hui. Love, love, où ceux qui s'aiment enfin sont délivrés de leurs chaînes et vivent leur vie. Source et la flamme, les couleurs et la gamme, l'or et la folie. À Paris comme à Paris, elles chantent leur charme, ma musique à moi. Et de l'aube au couchant, de l'automne au printemps, c'est à chaque fois. C'est quelques noms, quelques mots qui me touchent et me transportent toujours plus haut. Love, love, la lune azur est pareille au ciel d'Italie. Love, love, où l'air est plus pur, où l'harmonie est dans la nature, où tout est joli. Pour déjà en fin de soirée ainsi que pour ce week-end. Descobertas em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Donc, nous réunissons découverte avec Manuel entre 17h jusqu'à tout simplement à 19h. Et puis, juste après lui, à partir de 19h jusqu'à 22h avec Albino pour l'émission Marika. Et bien, ainsi que pour demain, nous serons déjà le samedi. Thank you.

moi je vous laisse avec deux titres différenciés, le zouk. essa paz que pensa com cê. Baby, baby. Ei, hey, c'est la machine que não quer chanter. Nous tous les deux là pour attirer. Elles ont paré pour nous planter. Tu serais là, moi blotti contre toi. Je Juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles, digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Un amour de la femme. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. Donc, eh bien, voici deux morceaux d'accordéon. On boit la goutte. la chemine. Entendez-vous le cœur plein des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines. C'est la chanson qui fait chanter toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, océan ensoleillé, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée. Qui s'appelle Lola d'Argent, son titre Personne pour moi. Toi, petit garçon, tu n'as qu'un mot à dire. Je te chanterai des chansons avant de t'endormir. Si tu fais des cauchemars, oublie pas la veilleuse. Toi, petit garçon, tu n'es qu'un souvenir de toutes ces chansons qui t'ont bien fait grandir. Je lis dans ton regard. C'est pas moi la menteuse. Si dans leurs yeux d'hiver, tu ne vois que trop clair, si même à ton réveil, tout est toujours pareil. C'est chacun pour tous, chacun pour soi, personne pour moi. C'est chacun pour tous, chacun pour soi. Personne pour moi. Maman n'est pas là, toujours dans ses voyages, à chercher quelque part de bien plus beau mirage. Ce n'est pas de sa faute si elle n'a pas le temps. Papa est en bas, mais il regarde le foot. Il sait que tu ne dors pas, mais n'en a rien à foutre. Ce n'est pas de sa faute si t'attends la mi-temps. Si dans leurs yeux d'hiver, tu ne vois que trop clair, si même à ton réveil, tout est toujours pareil. C'est chacun pour tous, chacun pour soi, personne pour moi. C'est chacun pour tous, chacun pour soi, personne pour moi. Chacun pour soi, personne pour moi. C'est chacun pour tous, chacun pour soi, personne pour moi. Notre radio, Radio Arc-en-Ciel. Bonjour, c'est Lily Harmonie sur Radio Arc-en-Ciel. Voici une des chansons qui s'appelle Wack Nord de Lily Harmonie. Et puis juste après, elle nous écoutera tout simplement Kim Harkin. Thank you. chanter, crier, ça je sais faire bien plus pour plaire. Niagara quand la ville dort. Je comprendrai. reste dans la maison. Pourtant on a compté les saisons. Tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles? Dans ma tête y'a toi et moi. La recette c'est toi et moi. On sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête? Je ne pense qu'à toi. La recette c'est toi et moi. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'ai dans la tête. Ne me quitte pas, tu sais dans ma tête. C'est toi et moi, juste toi et moi. Tu sais, tout le monde autour pourrait me quitter. Tant que t'es là, je suis bien mon amour. Faut pas l'oublier. De quoi tu me parles, dans ma tête, y'a que toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà. Tu meurs à la fête, je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas. De quoi tu me parles? Dans ma tête, y'a toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête, je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas. Ils sont parfois tellement tristes avec leur gueule d'arriviste. Quand tout leur est dû tout de suite et s'ils ont tort ils insistent. Ils sont parfois tellement cons à penser qu'ils ont raison. Klaxonner dans les bouchons pour un oui, pour un non. Ils ont des gueules à pleurer quand ils doivent un peu changer. Un petit truc à déplacer, ça les rend teigneux à souhait. Ils sont parfois tellement lourds avec leur grand discours. Comme quoi c'était mieux avant dans les bras de leur maman. Quand je les regarde défiler, tout vouloir aseptiser, tout vouloir sécuriser. Et se plaindre qu'ils se font chier. Je me dis qu'on va le passer haut. Qu'on n'est pas tellement plus sage que tous ces animaux. Qu'on vit comme nos passages. Un peu faible et un peu fou. Un peu terrible, un peu tout. Un peu perdu dans son âme. Un peu comme toi et moi. Des amoureux sur un banc. Et quelques années plus tard, au milieu des enfants, on est loin du premier regard. Il faut les voir s'écouter. Étaler leur mauvaise foi, débattre de qui va gagner alors qu'il y a le feu en bas. Faut les voir se disputer pour ce qu'il reste d'argent. Se mentir, se tromper pour se sentir vivant. Il faut les voir se déchirer, se démener péniblement avec la culpabilité qui leur va comme un gant. Ils ont sûrement trop d'orgueil pour accepter leur petite vie, pour faire enfin le deuil. Cette putain de success story qui leur a tous mis tourné, qui les a tous mis à terre. Tous les coups sont permis. Aller tout seul à guerre. Un peu fait, oui, un peu fou. Un peu terrible, un peu tout. Un peu perdu dans son âme. Un peu comme toi et moi. Parce qu'ils peuvent être pitoyables, attachés à leurs principes, avec leurs lois immuables et leurs petits jeux politiques. Qu'est-ce qu'ils peuvent être imbéciles avec leurs foutues manières. Que tout soit bien dans leur fil, bien carré, bien propre, bien clair. À la fois on gère des mots. Y'a des moments, y'a du mieux. Où ils sont plus ce qu'ils sont. Où l'amour brille dans leurs yeux. Où leurs mains se serrent un peu. Où les cœurs sont courageux. Où ils se relèvent ensemble. Où tout le monde se ressemble. Un peu fou, un peu fou. Un peu terrible, un peu tout. Un peu perdu dans son cœur. Un peu faible et un peu fou. Un peu terrible, un peu tout. Un peu perdu dans son âme. Un peu comme toi et moi. Un peu comme toi et moi. Un peu comme toi et moi. Routine, le titre, et c'est Amir. C'est parti de rien. À peine un regard échangé. On était deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin. Je

Arc-en-ciel, un amour de FM. Si elle s'ennuie, Amandine, Colombine, Adeline et Jacqueline. Juste au petit jour, on ira faire la fiesta, la fiesta. On va danser le vélo vert. La fiesta, la fiesta. Ce soir, on est les rois de la terre. La fiesta, la fiesta. On finira la tête à l'envers. La fiesta, la fiesta. Semaine dans le brouillard. Alors fini l'enfer, fini l'enfer. Et la galère, et la galère. Ah, ma mère. Ce soir y'a confetti sur les boulevards. Viva la bodega, la bodega. La sangria, la sangria. A explosé la nuit en entraînant les plus jolies. Églandine, Coraline, Clémentine, Géraldine. Y'a pas de mal à se faire du bien, même leur maman l'ont fait aussi. Petit jour, on ira faire la fiesta, la fiesta. On va danser le vélo vert. La fiesta, la fiesta. Ce soir, on est les rois de la terre. La fiesta, la fiesta. On finira la tête à l'envers. La fiesta, la fiesta. Zouké, zouké. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tout.

j'ai laissé des bouts de nous et des chagrins, quelques larmes versées. Et les saisons défilent et nos avenirs se dessinent. Et il faudrait qu'on se décide, au lieu de ça on esquive. Je voulais juste avancer, me retrouver, pouvoir recommencer, sans me retourner. Oui j'avoue, je vous ai laissé, je vous ai blessé, mais sache que ça je ne m'en veux. Arc-en-ciel, un amour de FM. Bon, voici donc tout simplement les émissions pour le dimanche. Donc voilà, donc à partir tout simplement, à partir bien de 8h jusqu'à 10h30, vous allez retrouver l'émission de Cantal Dougallo avec Antonio et Mathieu. Et puis juste à partir de 10h jusqu'à 12h30 avec le téléphone sonne avec Lionel, Katia et Jérôme. Donc c'est à vous de faire la programmation et de choisir la chanson que vous voulez. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. C'est bien quand on y pense, le vendredi, le samedi, le dimanche, c'est beau la vie, c'est comme une revanche. Paris, Joinville, en bord de main, au petit bord d'un c'est une île remplie de charme, des refrains, des chansons. On t'aime avec passion, les calotiers au bord de ta guinguette vont t'amener de belles midinettes. Les gens vivent en bord de main, c'est une vie remplie de chants, des refrains, des chansons.

Voilà donc l'heure et bientôt l'émission termine à sa fin. Donc on va se retrouver prochainement. Voilà donc, et bien j'espère aussi que vous avez passé une bonne après-midi sur ma compagnie. On va se retrouver prochaine fois. Voilà donc. Donc à partir de 5h, voilà, 17h, vous allez retrouver Manuel pour l'émission Découverte jusqu'à 19h. Et puis juste après avec Marika, tout simplement. Voilà donc, et bien je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Je sais pas ce qu'ils pensent, quand ils me voient arriver, tout blanc comme un cachet, dans la piste d'un drôle d'air, je suis timide et je suis fier. Ils pincent le bout d'abord, un impide d'un pôle nord, et là je leur dis, filou de chez mi, et mi, je suis fier d'être un ch'timi, un à la mer, un h'terri, et un peu même qui fait du ski. Pour t'amuser et t'éclater, je d'un nord pas calé qu'il faut aller, que soit de l'île, eux dans sous-calais, un éclair du nord pas calé. Et t'inquiète pas si t'as un pain, y'a le baraka frite qui t'atteint. Et là je leur dis, bilou de chez mi, et mi je suis fier d'être un ch'timi. Si t'es pas de la région, t'inquiète pas ma garçon, te seras bien accueilli, cherche tes paroles de ch'ti, te parlera comme nous autres, fais gaffe à tes petits autres, te veux venir ma gamin, pour quand t'es se revoir. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Soirée, événement. Une exclusivité, Radio Arc-en-ciel. Samedi 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel souffle une nouvelle bougie. Et on n'en parle de pensare in te. Pour cette occasion exceptionnelle, invité exceptionnel. Il mange, verdad? Oui, oui, vous avez bien entendu. Il mange, verdad? Yolanda, Yolanda. On vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, à partir de 21h, pour une soirée anniversaire avec Il Mange Verdad et le groupe Cap Negre pour animer le bal. Réservez votre soirée. Venez avec vos amis. En famille. Pour fêter l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. On répète ou vous avez compris? Non. On répète. Il mange verdad et carpe negre le 5 novembre prochain à la salle de Montisson à Saint-Jean-le-Blanc. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. mesce che va, prende salo pudu, se primo movimento, se sa che se va. Tutta gente dance con duro, e sta noite con duro. Movimento para a direita, movimento para a esquerda. Esquece tudo e vem com a gente, a magia está no ar. Escuta bem este som, é gordura para quebrar. Vamos lá, vamos lá, as mãozinhas no ar. É gordura para lá, é gordura para cá. Eu vou lá na gordura, para passar um momento. Eu vou lá na gordura, tic-tac, tic-tac, oh. Eu vou lá na gordura, para passar um momento. Eu vou lá na gordura, tic-tac, tic-tac, oh. Vida nos problemas, não espera a cabeça. Porque deseja vaciar, ele é gordura. Mexe que é bom, vem dançar o futuro. Sempre em movimento, se sabe que se é bom. Bailando, bailando, kuduro. Mexe, mexe, dançando, dançando, kuduro. Dale, dale. Eu vou bailar a kuduro para passar um momento. Eu vou bailar a kuduro, tic-tac, tic-tac, oh, oh, oh. Mexe que é bom, vem dançar o futuro. Sempre em movimento, se sabe que se é bom. Vamos lá, vamos lá, as mãozinhas no ar. É futuro pra lá, é futuro pra cá. Vamos lá, vamos lá, as mãozinhas no ar. É futuro pra lá, é futuro pra cá. Eu vou lá na futuro, para passar um momento. Eu vou lá na futuro, tic-tac, tic-tac, oh, oh, oh. Mexe, mexe que mexe, mexe que é bom, vem dançar o futuro. Sempre em movimento, cê sabe que cê é bom. Mexe, mexe. Dale, dale, dale. Mexe, mexe. Dale, dale, we'll be right back. never, never, never, never, never, never, never feel. You'll never feel happy until you try. La FM en couleur. Cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer. que tú no quieres querer. Tu presencia desorienta y me hace estremecer. Porque sé, aunque resisto, no puedo ganar ni perder. Yo no sé lo que mamita me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento, me están maldiciendo a mí. Doña Monte, oh, no. Y nos vamos a Bélgica, ah, ah. Allí yo paro en la mira que mira Guajiro, se equivocó, este señor se está equivocando, se equivocó, como es lo que siempre está tocando, se equivocó. Señorita,

diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que canto. Que me habla de privilegio de una raza soberana, superiores, inferiores, vinga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte, ambiciones de poder? Te marcó tu destino, te marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción para siempre. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela. Y en el planeta son tantos, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Soy el que hace las guerras, quita falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Mal dicho, todos los que dicen que son. Mal dicho, así es como te ve. Mal dicho, todos los que dicen que son. Mal dicho, así es como te ve. Todos te dicen que son mal dicho, así es como te ve. Mal dicho, todos te dicen que son mal dicho, así es como te ve. Sempre pronto pra o que der e vier. Na sala ou na cozinha, embaixo do chuveiro. Quero apagar teu fogo de amor, sou teu bombeiro. Você pode ligar quando você quiser, e eu estou sempre pronto para o que der e vier. Na sala ou na cozinha, embaixo do chuveiro, quero apagar teu fogo de amor, ser teu bombeiro. pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho. E como tu não interessam para mim. Sei bem que andas à minha procura e dizes estar muito apaixonado. Não acredito nas tuas palavras. Leva o teu charme para outro lado.